La civilización, la femme chilienne, elle perd ses traditions. Là-bas, il n'y a pas de costumes pour les femmes. Malgré ça, il y a des endroits que les femmes, elles font des habits un petit peu comme ça. Mais ça, c'est une robe vraiment à moi, parce que c'est maman qui l'a fait. Et telle comme elle faisait mes habits quand j'étais très petite. Maman, elle était pauvre, elle devait habiller 10 enfants. Alors ça, c'était dur. Elle était couturier, elle gardait tous les morceaux, les petits morceaux de chiffon. Et c'était moi qui portais toujours des robes de 1000 couleurs. Por toda la tierra y sí, va resplandeciendo.